Chapitre 37e, l'interrogatoire. Fleurus n'avait pas besoin de recommander au préfet Optatus la sévérité contre les partisans de Chrysostome, car ce magistrat se faisait une joie personnelle d'employer contre la rigueur. Il commença sur le champ les arrestations et l'interrogatoire. Quiconque était convaincu d'attachement à la foi et à l'Église devenait par cela même coupable d'attentat contre la majesté impériale, ou de rébellion aux volontés de l'empereur, ou plus simplement encore, auteur de l'incendie de la basilique par haine contre Arsace. Les divers chefs d'accusation étaient appliqués par le préfet, comme il le jugeait le plus à propos, selon les personnes qu'il appelait à sa barre. Mais il punissait au-dessus de tout, avec un plaisir particulier, la fidélité à la foi, la fermeté dans la foi. C'est qu'en effet, la foi catholique a toujours eu deux glorieux privilèges, le premier d'inspirer l'amour jusqu'au martyr, le second de soulever contre elle la malice et la bassesse, la méchanceté et l'abjection, parce que le christianisme n'est pas le serviteur du monde, parce qu'au contraire, il lui parle en maître et lui donne des lois, le monde qui ne veut pas le reconnaître, parce qu'il ne veut pas se détacher du péché, le monde le hait et le persécute. Le vieux prêtre Tigrius, le diacre Sérapion, le jeune lecteur Euthémius, avaient déjà subi les cruelles épreuves du feu et de la glace. On savait que Chrysostome leur était tout particulièrement attaché à cause de leurs vertus et de leurs rares qualités. Aussi eût-il été très désirable de les faire passer en transfuge dans le camp d'Arsace, mais aucun tourment ne les ébranla. Euthémius rendit son âme à Dieu au milieu des souffrances, en protestant de son innocence à l'égard du prétendu crime qu'on lui imputait et de son inébranlable attachement au patriarche Chrysostome et à sa cause. Sérapion et Tigrius furent jetés dans un sombre cachot où les rejoignirent, bientôt après, d'autres compagnons de souffrance qu'on entassait pêle-mêle, couverts de plaies auxquelles la plupart ne tardèrent pas à succomber, faute de secours. Pentadia fut interrogée à son tour. Un témoin déposa qu'elle avait profité du tumulte occasionné dans la chapelle baptismale pour se glisser dans le cœur et y mettre le feu. Ce témoin était une jeune fille que Pentadia avait comblée de bienfaits pour l'arracher aux séductions du monde et qui n'avait pas assez de bonne volonté pour se laisser sauver. Elle voulut recevoir le baptême cette année pour être à l'égal des catéchumènes, ses compagnes. Pentadia ne devait pas le permettre. La malheureuse fille vit dans ce refus nécessaire une offense, et pour s'en venger, elle déposa faussement contre sa bienfaitrice. Quelques suivants de Pentadia la démentirent très énergiquement, n'ayant pas perdu de vue un seul instant leur diaconesse. Aussitôt le préfet ordonna de les soumettre l'une après l'autre à la question. Le chevalet, instrument de torture, était un banc posé sur deux tréteaux. À l'une des extrémités se trouvait une roue, à l'autre un pieu solide. Le patient était étendu sur le banc. On l'attachait par les deux bras à ce poteau. On liait les pieds avec une corde qui allait s'enrouler sur la roue. Quand on faisait tourner cette roue, le corps du patient était violemment tiré dans toute sa longueur, tant qu'à la fin les membres se désarticulaient, les nerfs se brisaient, les veines se rompaient. Quatre compagnes de Pentadia furent ainsi torturées sous ses yeux. On leur enleva leurs manteaux, leurs voiles et leurs chaussures, on les étendit, dans leur eau blanche de néophyte, sur l'horrible planche, on attacha leurs pieds et leurs mains, et alors la roue se mit en mouvement. D'abord un léger gémissement se fit entendre, puis des plaintes déchirantes, des cris aigus, mais quand on les interrogea, elles restèrent l'une après l'autre fidèles à la vérité. La malheureuse Pentadia assistait à ce spectacle, muette et immobile de douleur. Mauvaise femme que vous êtes avec votre fausse piété, lui dit le préfet. Quoi, ces cris de détresse ne vous décident pas à dire la vérité et à avouer votre crime? Je suis prête à monter sur le cheval et à mourir, dit Pentadia d'une voix éteinte, car cela peut être la volonté de Dieu. Mais il ne peut vouloir du mensonge, je ne puis mentir. Pendant que ces horribles scènes s'accomplissaient, Phoebe avait reparu devant Gunhild. Noble dame, lui dit-elle d'une voix bassement servile, vous êtes habituée à être servie. Accordez-moi donc la grâce de vous servir d'esclave et d'exécuter vos ordres. Je ne suis pas votre maîtresse, répondit Gunhild. Je sais me passer de servante, et d'ailleurs je n'ai pas d'ordre à donner dans une maison étrangère, surtout quand cette maison est une prison. C'est au moins une prison dorée, noble dame, et quelle qu'elle soit. Il faut vivre, boire et manger, prendre du repos. Laissez-moi donc jouir en vous retirant, fit Gunhild en l'interrompant. si j'étais seulement sûr que vous vouliez vous reposer. Vous en avez besoin, vous semblez fatigué. » Vous me fatiguez, pauvre Phoebe, dit Gunhild épuisé. Soyez assuré que l'heure de mon repos viendra bientôt, mais pas dans cette maison. C'est pour cela que je dois repousser toutes vos offres de service. » Avant que Phoebe pût répondre, il se fit dans la maison un bruit inaccoutumé. Eugenius entra et Phoebe disparut. Il se plaça en face de Gunhild, la considéra d'abord en silence, puis promena son regard dans la chambre. « Vous appelez cette demeure une prison ? » dit-il enfin. « Vous ne voulez rien prendre. Vous n'acceptez aucun service d'aucune sorte. Quelle est votre intention à cet égard ? Parlez. Votre silence obstiné pourrait me porter à des excès de fureur. » « Je n'ai pas besoin de vous mettre dans le secret de mes résolutions, » dit-elle tranquillement. « Quant à mon silence, vous savez pourquoi je l'observe et pourquoi je le trouve convenable. Ce n'est point de l'obstination. » « Vous voulez donc y persister ? » ?»« En votre présence, oui. » « Et vous persistez également à soutenir que vous êtes ici prisonnière ?»« Ne le suis-je pas, en effet ? » demanda-t-elle. « Fort bien. » « Vous allez maintenant voir s'ouvrir pour vous une véritable prison. » Là, vous serez seul, sans nourriture, sans servante, sans lit de repos. Si j'ai l'assurance de ne pas vous y voir, je désire y être conduite immédiatement, dit Gunhild en se levant vivement de son siège. Votre haine est donc bien grande. Ce n'est pas de la haine, répondit-elle. Alors, votre répulsion, votre mépris? Je n'ai pas besoin de vous expliquer mes sentiments. Jugez-vous par ma manière d'être. Vous voyez assez que je veux être loin d'ici, loin de votre compagnie. Que votre volonté soit faite, dit Eugenius avec un sentiment de rage intérieure. Mais sachez que vous n'entrerez pas innocente dans la prison. Vous êtes accusée de grands crimes. Par qui ? Demanda Gunhild avec une fière dignité. Par moi, répondit froidement Eugenius, et sachez qu'il ne vous servira de rien d'essayer de vous défendre en soutenant que je ne vous accuse que pour me venger de vos dédains. « Soyez sans inquiétude, » répondit Gunhild avec calme. « Si, pour me justifier pleinement et faire éclater toute la vérité, j'étais obligé de prononcer votre nom, je devrais dévoiler votre indignité, l'indignité d'un prêtre qui a voulu renier la foi pour une arienne, et c'est ce que je ne ferai jamais. »« Gunhild, » s'écria Eugenius, « avec vous, l'amour doit triompher de tout autre sentiment parce que vous êtes une créature surhumaine. » « Angélique, ayez pitié de moi, sauvez-moi !» Il essaya de lui prendre la main. Gunhild recula vivement. « Malheureux » s'écria-t-elle avec feu. « Ne comprendrez-vous donc jamais que je respecte encore, dans sa chute profonde, le caractère du prêtre, tandis que sa personne m'inspire une aversion profonde, une horreur indicible ? Nous allons donc essayer de mitiger cette horreur dans la prison. » Dieu Génius. Il ouvrit la porte et lui montra les traces qui attendaient à deux pas. Gunhild passa en silence devant lui et sortit de la chambre. Voyant que les soldats étaient munis de cordes, elle leur présenta tranquillement les deux mains, qu'elle laissa enchaîner, et les suivit. Phoebe resta muette et immobile d'étonnement, en présence de ce spectacle auquel elle ne pouvait rien comprendre. « La reine est changée en agneau, » murmura-t-elle à demi-voix. « Mais on n'en fera cependant pas un agneau de sacrifice. » « De quoi vous occupez-vous ? » dit une voix sourde derrière elle. Elle se retourna, tout effrayée, et vit son maître, qui, pâle et défiguré, l'air troublé et agité, sortit de la maison. Eugenius suivit de loin Gunhild pour voir ce qu'il allait advenir d'elle. Au tribunal, il apprit que les interrogatoires étaient suspendus pour aujourd'hui, parce qu'on ne voulait pas torturer tout le jour de Pâques. Les accusés étaient tous en prison. Parmi eux se trouvait Olympia, dont l'interrogatoire devait avoir lieu le lendemain matin. Ensuite, on questionnerait aussi Gunhild, qui se trouvait dès maintenant incarcérée solitairement. Tout allait au gré des désirs de Eugenius. Il cherchait à désespérer que la prison ferait perdre à Gunhild son courage et sa force. Mais il pouvait se tromper, et ensuite, se demanda-t-il, et lui-même, où allait-il ? Dans quelle voie se trouvait-il ? Et une voix intérieure lui demandait, et ensuite,